Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, 5 élections fédérales marquantes au Canada. Un gouvernement qui se concentrera sur l'économie, sur la création d'emplois. Et notre tâche sera de prouver que le Canada est toujours la meilleure solution pour les Québécois, pour les Canadiens français, pour tous les Canadiens. Le résultat de l'élection du 25 octobre 1993 est l'un des résultats électoraux les plus intéressants de l'histoire du pays. Jean Chrétien redonne le pouvoir aux libéraux après les années Mulroney et avec une très confortable majorité. Mais cette victoire se fera sans l'appui du Québec, qui vote très massivement pour le Bloc québécois, de même que l'ouest du pays qui appuie en force le Parti réformiste. La victoire libérale de 1993, c'est essentiellement une victoire ontarienne avec le soutien du Canada atlantique. L'élection de 93, c'est plutôt la victoire du Canada des régions. André Champagne, historien, collaborateur régulier de cette émission. André, merci d'être avec nous. Bonjour. André, on va revenir sur l'élection de 93 dans quelques minutes, mais d'abord, si on refait la chronologie de ces 5 élections marquantes, vous en avez choisi 5. La première, évidemment, c'est celle de 1896, élection d'un premier ministre francophone, Wilfrid Laurier. Wilfrid Laurier, qui pourtant, en 1864, au moment où il... termine ses études de droit à l'Université de McGill, fait cette déclaration à propos de l'entente qu'il y avait eu aux conférences de Charlottetown et de Québec, que la Confédération serait le tombeau de la race française en Amérique du Nord. Tiens, tiens. 32 ans plus tard, il est premier ministre du Canada. Comme quoi, on peut évoluer dans son parcours. Alors oui, effectivement, c'est non seulement la victoire de Laurier, la victoire du Parti libéral, mais... C'est surtout la fin d'un long règne conservateur qui avait... En fait, les conservateurs avaient été au pouvoir de 1867 à 1874. Ils avaient repris le pouvoir en 1878 et jusqu'en 1896. Et Laurier était intéressant plus d'un titre parce que, d'une part, il dirigeait le Parti libéral depuis 1887. En 1891, il avait fait campagne à la tête du Parti libéral contre Sir John Macdonald. Là, il avait proposé un accord de réciprocité avec les États-Unis. Donc, libre-échange, un accord de libre-échange, oui. Et évidemment, Macdonald en avait profité pour l'accuser de vouloir vendre le Canada aux États-Unis. Et en 1896, étant donné qu'il a eu le temps de réfléchir, mais étant donné aussi, surtout que le Parti conservateur n'a pas réussi à trouver un véritable bon remplaçant à Sir John, qui s'est éteint en 1891. Donc, il y a eu 3 successeurs qui ont fait la pluie et le beau temps. Et en 1896, Laurier est parfaitement conscient que le fait qu'il soit originaire du Québec, qu'il soit canadien-français, qu'il y a une certaine méfiance au Canada anglais. Alors, pour rassurer l'électorat anglo-canadien, il va s'entourer de 3 anciens premiers ministres. Il y a Oliver Mowat, qui a dirigé l'Ontario. Il y a William Fielding, qui avait dirigé la Nouvelle-Écosse. Et il y a M. Blair, qui avait dirigé le Nouveau-Brunswick. Vous n'élirez pas qu'un francophone exactement, comme premier ministre. Exactement. Et il a promis aussi pendant la campagne électorale qu'il serait le premier ministre de tous les Canadiens, oui, et non pas seulement des Canadiens français. Cependant, lors de la campagne électorale, il avait promis d'essayer de régler le mieux possible la question des du Manitoba. Donc, pour toutes ces raisons-là, Laurier est élu. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que oui, il va rafler, les libéraux vont rafler 118 sièges, les conservateurs 88, mais au suffrage populaire, les conservateurs l'ont emporté avec 46,3% du vote. Mais ce qui explique la victoire de Laurier, c'est l'appui massif de l'électorat du Québec. Donc, il rafle le Québec. Exactement. Et puis, il y a l'appui dans les Maritimes aussi, et puis il y a un certain appui dans l'Ouest. Ouais. Mais c'est un point tournant dans l'histoire de la Confédération, parce que Laurier peut faire croire que le Canada, c'est le pays des Canadiens français et des Canadiens anglais. Et c'est le début d'un long règne libéral, oui, qui va s'échelonner jusqu'en 1911. Mais Laurier va remporter 4 élections majoritaires consécutives. Et si on déborde sur le 20e siècle, ce sera le siècle des libéraux. Exactement. Mais ça, on y reviendra. Libéraux. D'ailleurs, il dira en 1900 que le 20e siècle sera le siècle du Canada. Bon. Mais c'est le début d'un long règne. Deuxième élection marquante, André, celle de 1917. En 1917, c'est la crise de la conscription. Au Parlement, tous les députés anglophones en réclament l'adoption. Seuls s'y opposent les libéraux francophones, Laurier en tête. Cette mesure est si impopulaire au Québec qu'elle donne lieu à des émeutes brutalement réprimées par la troupe. Les séquelles vont s'en faire sentir jusqu'en 1930. L'élection de 1917, André Champagne, c'est en quelque sorte une élection référendaire sur la conscription. Oui, tout à fait, parce que cette élection-là, bon, s'est déroulée pendant la guerre. Les conservateurs de Robert Borden sont au pouvoir depuis 1911. En 1916, guerre oblige, Borden a demandé à Laurier s'il pouvait prolonger son mandat d'une année. Laurier a accepté, mais étant donné que Borden va proposer la conscription au printemps 1917, il va même demander à Laurier de participer avec lui à une espèce de gouvernement de coalition libéral-conservateur. Où il y aurait un nombre égal de ministres au cabinet, à la condition que Laurier essaie de vendre la conscription aux Canadiens français. Laurier lui dit « Je ne peux pas accepter ça. Les Canadiens français n'accepteront pas la conscription et il y aura probablement de la violence. Je te préviens. » Malgré les avertissements de Laurier, la conscription est imposée en juillet 1917 et c'est clair que là, évidemment, Borden doit affronter l'électorat. Cependant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en 1917, le Parti libéral est divisé. Il y a une partie des libéraux ontariens et des libéraux de l'Ouest qui, eux, sont favorables à la conscription et qui n'ont pas suivi Laurier dans son opposition à la conscription. En fait, il va y avoir un clivage linguistique, là. Tout à fait, comme jamais, jamais, jamais dans l'histoire du Canada. S'il y a une élection où vraiment le Canada est divisé sur une base ethnique, c'est l'élection de 1917. C'est une élection qui vraiment se démarque de toutes les autres. Donc, Borden va tout simplement formé à l'automne de 1917 ce qu'on appelle le gouvernement de l'Union, le Union Government, où il aura l'appui de certains libéraux ontariens et de l'Ouest qui sont favorables à la conscription et qui sont opposés à Laurier. Et pour s'assurer la victoire à l'élection, il va faire voter ce qu'on appelle la loi d'élection en temps de guerre. La loi d'élection en temps de guerre, c'est une loi qui accorde le droit de vote à certaines femmes, à savoir les épouses. Parce que les femmes ne votent pas encore. Les femmes ne votent pas encore. Elles ont commencé à voter dans les provinces de l'Ouest, au provincial, depuis 1916. Ouais. Mais au fédéral, il faudra attendre, ce sera en 1918 qu'elles l'obtiendront. Ouais. Et en 1921, pour la première fois, elles voteront. Mais en 1917, donc, les épouses, les mères et les sœurs de soldats ont le droit de vote. D'autre part, on retire le droit de vote à certains Canadiens originaires des pays ennemis, en l'occurrence des Autrichiens, des Hongrois, des Ukrainiens, arrivés au Canada depuis 1902. Pourquoi est-ce qu'on leur retire le droit de vote? Bon, la raison officielle, c'est que ils sont originaires des pays ennemis. Mais en réalité, c'est qu'on sait très bien que ces immigrants-là votaient pour les libéraux. Donc, ça assure. Et aussi, on autorise les soldats qui sont sur le front en Europe à voter dans la circonscription de leur choix. Incroyable. Donc, Borden se donne toutes les chances de l'emporter. Et finalement, lors de la campagne électorale, il y aura vraiment des attaques assez vicieuses. Politiques, mais aussi des médias. Oui, André. Les journaux anglophones vont très, très loin. On dira dans la presse anglo-canadienne qu'un vote pour Laurier, c'est un vote pour le Kaiser. On va parler d'Henri Bourassa comme Von Bourassa, la particule allemande. On va dire que les libéraux abandonne tout simplement l'effort de guerre canadien. Donc, c'est vraiment... le clivage ethnique est vraiment majeur. Et les résultats sont très révélateurs. Il y a 153 députés unionistes qui sont élus et seulement 82 libéraux. Sur les 82 libéraux, il y en a 62 au Québec. Au Québec, il y a 3 circonscriptions anglophones qui votent pour Borden, pour le Union Party. Et dans les 20 libéraux qui élus ailleurs qu'au Québec, 18 viennent de circonscriptions majoritairement canadiennes françaises. Et quand Borden forme son cabinet, il n'y a aucun Canadien français qui va siéger dans son conseil des ministres. Et cette élection-là, au Québec en tout cas, il va y avoir, je pense, traumatisme. C'est même pas trop fort, en fait. Le Québec va tourner le dos à partir de cette élection aux conservateurs jusqu'en 58. Jusqu'en 58. Puis aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que suite à l'élection de décembre 1917, il y aura le député libéral Joseph-Napoléon Francœur au Parlement provincial québécois qui va présenter une motion séparatiste. qui va faire beaucoup, beaucoup jaser au temps des fêtes de 1917. Mais finalement, au début 1918, le maire Gouin va le persuader de retirer sa motion. Mais c'était une motion qui disait que si le Canada anglais ne veut plus du Québec, bien, le Québec serait prêt à sortir de la Confédération. Donc, c'est dire à quel point cette élection-là a divisé le Canada sur une base ethnique. Bon. Autre élection où il y a une division régionale plus qu'ethnique cette fois-là, c'est... il y en a deux, en fait. Celle de 93, on entendait un extrait de Jean Chrétien au tout début, on va y revenir dans quelques minutes. Mais d'abord, l'élection de 1921... Déjà, donc, au début du 20e siècle, une première élection André Champagne où il y a un Canada des régions là, qui se voit clairement dans le résultat électoral. Oh, absolument. Puis aussi, en 1921, il y a quelques premières. Vous avez les femmes peuvent voter au fédéral. En 1917, certaines femmes avaient le droit de vote. En 1921, ce sont toutes les femmes qui ont le droit de voter à l'élection fédérale. Il y a un nouveau parti qui a émergé, le Parti progressiste. Ce Parti progressiste, c'est un parti qui regroupe les fermiers ontariens, mais plus particulièrement les fermiers des prairies, qui, depuis le début du siècle, reprochent au gouvernement fédéral, qu'il soit libéral ou qu'il soit conservateur, de servir d'abord et avant tout les intérêts de l'Ontario et du Québec, mm-hmm. et plus particulièrement les intérêts du Canada manufacturier, les intérêts industriels, les intérêts financiers. Et ce que les progressistes veulent, eux, c'est une espèce de... Ils voudraient une espèce de... d'accord de libre-échange pour les produits agricoles, sur le produit oratoire avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne. Et ils veulent également une réduction des coûts de transport ferroviaire. Mm-hmm. Parce que pour eux, c'est clair que ça nuit considérablement à leur marge de profit. Donc, il y a un ressentiment extrêmement fort. Le Parti conservateur, évidemment, il est redevenu conservateur en 1919, au lendemain de la guerre. Il y a un nouveau chef, Arthur Meighen. Arthur Meighen, il est particulièrement détesté au Québec. Pourquoi? Parce qu'en 1917, c'est lui qui était le ministre responsable de la conscription. Alors, on ne l'aime pas. Laurier s'est éteint en 1919. Il a été remplacé par Mackenzie King. Mackenzie King, qui avait eu la très bonne idée en 1917 de rester fidèle à Laurier. Il est resté fidèle à Laurier, donc c'est lui qui a obtenu la succession de Laurier. Et Mackenzie King, c'est un homme qui a un sens politique assez intéressant. Il a très bien compris que pour que les libéraux reprennent le Québec, reprennent le pouvoir à Ottawa, ils devaient absolument avoir l'appui du Québec. Ils devaient également courtiser l'électorat ethnique et aussi l'électorat ouvrier. Mm-hmm. Parce qu'il faut rappeler que Mackenzie King, c'était un spécialiste des relations industrielles et il a été le premier ministre du travail de l'histoire du Canada. Donc Mackenzie King, homme politique, qui a un assez bon jugement. Et cette élection-là... Et ça va marcher. Oui, ça va tout à fait. Cette élection-là, on trouve que l'élection de cette année est longue. Mais celle-là, elle a commencé le 2 septembre, puis elle s'est déroulée finalement, en décembre. Donc, c'est la campagne électorale la plus longue de l'histoire canadienne. 112 jours. C'est vraiment une campagne interminable. Alors donc, le soir de l'élection, ce qu'on voit, c'est vraiment un Canada divisé sur une base régionale. Donc, pour une première fois, le gouvernement, c'est un gouvernement minoritaire. Donc, les libéraux font élire le plus de sièges. Les libéraux vont obtenir 116 députés. Les conservateurs sont tombés à 50 et le Parti progressiste à 64. C'est la première fois qu'un tiers parti obtient plus de sièges que le parti qui était au pouvoir. Et les progressistes ont raflé les prairies, ils ont obtenu les comtés ruraux en Ontario. Les libéraux doivent leur victoire à un appui massif du Québec. C'est un balayage au Québec. Tous les comtés votent libéral. Ah, et aussi, ce qui aide les libéraux, c'est l'appui des maritimes. Et ce n'est qu'à l'affaire d'une élection, ce Parti progressiste, ou s'ils vont durer dans le non, temps? Non, ils ne dureront pas, parce qu'à l'élection de 1925, déjà, leur score va baisser considérablement. Et il y aura encore une fois un gouvernement minoritaire qui va durer à peu près une année. Bon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 1921, la tendance qui se dessine, c'est à l'ouest de l'Ontario, et on va chercher un parti en dehors des deux vieux partis traditionnels qu'on associe aux intérêts du Canada central, du secteur manufacturier. Exactement. Puis rebelote, on y vient à cette élection du 25 octobre 1993. Là encore, donc, ce sentiment d'aliénation de l'Ouest qui va être très clairement exprimé dans le résultat de l'élection. Et puis le Québec aussi qui va voter pour le Bloc québécois. Je vous propose là-dessus d'abord un extrait d'un reportage de Manon Lebensky, quelques réactions d'auditeurs aussi qui vont suivre exclusive de l'émission torontoise Metro Morning, une tribune téléphonique. C'est Ginette Lamarche qui va nous résumer les commentaires des auditeurs au lendemain du résultat de cette élection de 93. Au lendemain des élections, le réveil brutal à Toronto n'a pas été de constater que la province avait donné 98 députés au Parti libéral, c'est de réaliser que le Québec a élu 54 bloquistes, plus de députés que n'importe quel autre parti. Les tribunes téléphoniques étaient remplies hier et vont résonner encore longtemps de commentaires du genre « on ne va quand même pas confier le rôle d'opposition officielle à un groupe de séparatistes ». Lucien Burchard is speaking out of both sides of his mouth. He's going to hold the rest of Canada ransom. It's either to get more money. Pour ce Torontois, Lucien Bouchard mange à tous les râteliers. Il tient le pays en otage. Il va ruiner le Canada avant que le Québec se sépare. Jean Chrétien est mieux d'être ferme avec le Québec. Will not stand for any more blackmail. What the bloc mandate really is, in plain terms, is treason, for they want to tear our country apart. Cette femme est tout simplement ulcérée qu'on utilise l'argent de ses taxes pour que des députés séparatistes siègent à Ottawa. Les gens que nous avons joints ont tenu des propos plus modérés, mais ils ont toujours du mal à digérer la présence à Ottawa de ces souverainistes dans le rôle d'opposition officielle. Alors, André Champagne, il y a des auditeurs qui nous écoutent qui vont se souvenir très, très bien de ça. C'est vraiment, on en a eu un aperçu, mais au Canada anglais, c'est la commotion, le Bloc québécois qui forme l'opposition officielle de Sa Majesté la Reine. C'est comme ça qu'on disait ça. Mais tout à fait, mais en même temps, ça s'explique si on voit la division du vote de droite entre le parti de Preston Manning puis le parti de Mme Campbell. Et donc, ça l'a permis justement au Bloc de faire des gains majeurs au Québec. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'au Québec, le ressentiment suite à l'échec de Meach, il est extrêmement fort. Et on se souvient également de la campagne que M. Chrétien avait faite contre la cause de Meach. Donc, fort ressentiment au Québec. Extrêmement fort. Et moi, je rappelle aux auditeurs qu'il y a eu un sondage CROP à l'automne 90 où plus de 67 % des Québécois étaient pour la souveraineté association. Mm-hmm. Donc, on est en 93, mais on est tout prêt. Ce souvenir-là, il ne s'est pas encore estompé. Donc, un bloc très, très fort au Québec. Le parti de la réforme, les réformistes dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Pourquoi? Parce que ce parti-là incarne le sentiment d'aliénation de l'Ouest. Ce que Preston Manning et les réformistes reprochaient à Mulroney, reprochaient aux conservateurs, c'est d'avoir trop servi les intérêts du Québec et de ne pas avoir tenu compte des intérêts des prairies de l'Alberta notamment. Alors donc, vous avez ce ressentiment-là. Vous avez également, en Ontario, vous avez un appui massif à Jean Chrétien qui incarne justement la sauvegarde de la fédération. Ils ont tous les sièges, sauf un, de mémoire. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est un balayage en Ontario. C'est vraiment assez hallucinant. Et alors qu'au Québec, c'est vraiment l'émergence du Bloc. Lucien Bouchard avait quitté le Parti conservateur en mai 1990. Oui. Il avait formé le Bloc. Donc, c'est clair que l'élection de 93 révèle une crise majeure dans l'unité canadienne. Et chez les conservateurs qui vont se chercher beaucoup. M. Chrétien va en profiter pour un petit bout de temps, mais il y aura l'effusion, l'Alliance canadienne. Puis bon, il y aura un nouveau Parti conservateur éventuellement, mais qui ne sera pas celui qui existait depuis le début de la Fédération. M. Chrétien va profiter de la division de la droite entre le Parti conservateur et le Parti réformiste. Et puis finalement, c'est Stephen Harper qui va réunir la droite. La droite au début des quelques années plus tard. Voilà. Dernière élection marquante avec vous aujourd'hui, André Champagne, l'élection de 1988. Alors, ce matin, sur ma recommandation, Son Excellence le gouverneur général a procédé à la dissolution de la 33e législature du Canada en vue d'une élection générale qui aura lieu le lundi 21 novembre prochain. La question clé de la prochaine élection sera de savoir qui pourra le mieux diriger le pays au cours des années de changement qui s'en viennent. Nous croyons en un commerce plus libre parce que c'est la clé de la croissance et de la prospérité future. Un commerce plus libre, dit Brian Mulroney. Ce sera, André, l'élection sur le libre-échange. Oui, c'est pratiquement une élection référendaire. Aussi. Mais ce qui est étonnant, moi, ce qui m'avait vraiment frappé en 88, c'est que traditionnellement, Le Parti libéral était le parti qui était favorable au libre-échange. Wilfrid Laurier, en 1891. Wilfrid Laurier était revenu à la charge en 1911. Au début des années 80, M. Trudeau crée la commission McDonald's sur les possibilités d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et la commission McDonald's dépose son rapport en 1985 et ce rapport-là est favorable à un accord de libre-échange. Et finalement, qui va prendre la balle au bon? C'est le Parti conservateur de Brian Mulroney qui va négocier avec le gouvernement américain. Négociations qui seront passablement compliquées. Il y a pratiquement eu des ruptures de négociations à quelques reprises. Puis finalement, un accord est conclu. Et en 1988, eh bien évidemment, l'élection se déroule sur ce thème-là. Ouais. Au début de la campagne, John Turner, le chef libéral, a le vent dans les voiles. Et là, les stratèges conservateurs réalisent qu'ils doivent vraiment changer de stratégie et mettre l'emphase sur les emplois menacés advenant la non-signature de cet accord-là. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a un vent de protectionnisme qui souffle très fort au Congrès. Et ce que les stratèges électoraux conservateurs vont faire comprendre aux Canadiens, c'est que si vous ne réalisez pas le gouvernement Mulroney, eh bien, avec les libéraux, l'accord va s'effondrer et c'est des emplois menacés, plus particulièrement dans l'industrie de l'automobile. Oui. Et donc, finalement, grâce à un appui massif du Québec, soit dit en passant, les conservateurs seront réélus avec... Les gens du Parti québécois, par ailleurs, ouais, les Bernard Landry, entre autres, sont favorables au libre-échange. Mais tout à fait. Pourquoi? Parce que ça va profiter passablement au Québec. Donc, les conservateurs sont réélus avec 169 députés. Ce qui s'est passé également aussi en pleine campagne électorale, dans le camp libéral, il y a eu comme un moment où on a pu penser qu'il y avait possiblement une tentative de putsch dans le Parti libéral pour mettre de côté John Turner. Et donc ça n'avait pas vraiment favorisé Turner et le Parti libéral en général. Mm-hmm. Mais finalement, ce qui l'a emporté, ça a été vraiment une intervention massive des milieux d'affaires canadiens qui ont vraiment mobilisé des spots publicitaires pour vendre l'accord de libre-échange. Et ça a été une stratégie qui s'est avérée passablement efficace. André Champagne, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Mathieu Beauchamp à la réalisation. Les recherchistes Caroline Morin et André Martineau à la recherche d'archives Suzy Hood. Le technicien Pierre Lévesque. Si vous avez envie de rattraper ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.